Oui, parce que t'as besoin de la pomme pour le faire. Sans ça, t'auras pas d'énergie de le faire. Faut qu'il donne une femme pour le faire. C'est comme enthousiaste. Lui, ce qu'il veut dire, c'est que quand tu mets toutes tes conditions pour que ça marche, ça va marcher. Comment tu mets, ouais. Selon ton intelligence, ça va marcher. Ah, non. Tout le temps, selon ton intelligence, ça va marcher. Faut que je prenne le malaxeur, la farine des œufs, tout ce qu'il faut pour que ça fasse un gâteau. C'est pas en mettant de l'amour dedans que ça en fait un meilleur gâteau, c'est pas vrai. Tu comprends-tu? C'est pas parce que je veux que ça marche que mon gâteau ne claquera pas dans le four si j'ai oublié de mettre de la poudre à pâte dedans. Faut savoir. Il faut savoir, puis savoir, c'est utiliser les conditions sur les plans où on veut réaliser quelque chose. C'est une intelligence. Encore une fois. Mais si tu mets de l'amour avec, c'est que tu mets de la bonne vibration. Dans la concrétisation, tu mets de l'amour. L'amour. Bon, ça se mourit. Là, on sait qu'on ne peut rien réaliser, mettre en œuvre, tout de suite, on s'assied. C'est ça, qui est important. Parce que. Dans tout n'importe quoi, que vous regardez ça n'importe quoi, tout est lié à la volonté et l'intelligence. C'est ça. Tu t'essayes comme avant, je dois pas rire. Tu t'essayes, quand tu as l'idée d'essayer quelque chose, c'est possible. OK, va prendre la blonde, par exemple. C'est une idée, c'est possible. Les gens qui sont dans le domaine de la créativité mentale, pas dans le domaine du mécanique, là. C'est dans le domaine de la créativité mentale. Quand ils rentrent dans la conscience, ils s'aperçoivent que la créativité mentale n'est pas sous leur contrôle. C'est avec le temps, les changements vibratoires, blablabla, que la créativité mentale descend. L'ego, il a beau se péter à la tête, puis être créatif, puis faire des belles robes, vous voulez voir faire des belles robes, elle ne passe pas l'énergie. Puis elle l'a vécu, elle. Là, ça commence un petit peu, là. Un petit peu, là. Puis elle ne peut pas expliquer tout ce qui passe par la tête. C'est vrai. Tu peux pas. La volonté de l'intelligence, ça n'a rien à faire avec l'ego. Ah, c'est évident que l'ego peut faire des affaires. Mais il y a des affaires et des affaires. Tu peux-tu faire de l'art sans que ce soit astral? Tu peux comme, créer une robe, tu mettais ça comme mental. C'est vrai mental, c'est mental. Créer une belle robe, là. Ou un beau tableau, ça peut être très mental, ça. Maintenant, lui, ça part. Ça part du plan astral, ça part du plan mental, c'est mental. C'est pas la ça chose. Ça peut partir du mental. Ça part du mental, et l'artiste qui va prendre sa toile, puis ça part du mental, il ne saura pas ce qu'il va faire. Il va le découvrir au fur et à mesure qu'il y a. Vous savez, qu'est-ce qui nous dit que c'est quand des questions bizarres? Parce que c'est pas l'ego qui dirige le pinceau. C'est l'autre. C'est bon, ce que tu dis. Peut-être que ce qui nous bloque, c'est la question de l'argent. Oh, les gens commencent à parler mon langage. L'argent, c'est la fondation même de la vie sur le plan matériel dans la civilisation. Puis un homme qui n'a pas d'argent, il ne pourra jamais substituer son énergie astrale pour l'énergie mentale. Moi, je sais pas si vous comprenez ça, mais je sais ce que je veux dire. Je sais qu'il faut que je me ramasse de l'argent. Dans quel but je me suis fait une photo polaroid. Peut-être ça me fait faire. Pour l'instant, je sais pas pour dans un an, mais je sais pas pour tout de suite. Peut-être que c'est là ma patience. On va vous dire une chose concernant l'argent. Les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est de l'argent. L'argent, c'est une énergie. D'abord. Quand l'énergie de l'argent est utilisée mentalement, au lieu d'astralement, l'énergie de l'argent devient créative. Si elle est utilisée astralement, elle devient possessive, accumulative, destructive, tous les aspects négatifs de la conscience astrale. Mais si elle est utilisée mentalement, l'argent, l'énergie devient automatiquement créative. Puis à ce moment-là, la conscience se servira de cet argent-là pour créer quelque chose. L'argent devient propre. Peux-tu donner un exemple graphique, peut-être? Un exemple graphique? Oui. pour payer tes dettes avant ta réincarnation. Et de ramener de l'argent. Bon, vous donnez un exemple, moi, l'utilisation d'argent. On va me prendre comme modèle. Moi, je fais de l'argent. Et avec l'argent que je fais, je dis, qu'est-ce que je fais avec? Il dit, je fais ça. Ça sert tout le temps. Ça tourne. Puis l'argent, il faut que ça dorme. Mais avec les gens, ça ne donne pas d'argent. L'argent, ça reste dans leur affaire. C'est pogné dans leur ego. Ça devient astral. Ça ne tourne pas. L'argent, ça devrait tourner. Mais le problème, c'est que l'argent, ça ne peut pas tourner avec des gens inconscients. L'argent, ça peut tourner seulement avec des gens conscients. Moi, j'ai acheté une propriété dans le Nord parce que j'avais des gens que je connaissais qui pouvaient m'aider à acheter la propriété dans le Nord. Pour ça, j'avais quand même de l'argent tournait. Puis la propriété est assez grande que les gens qui ont aidé à acheter la propriété maintenant peuvent vivre sa propriété. C'est ça, toi? Puis avec notre créativité, on monte la propriété, fait que c'est rendu de plus en plus beau. Puis ceux qui étaient là-dedans, à cette heure, peuvent aller là-dedans. De sorte que l'argent revient toujours à nous autres. Fait qu'elle sort d'une poche, puis elle s'en va dans l'autre poche, puis elle s'en va dans l'autre poche, puis elle s'en va dans l'autre poche, puis elle revient en pleine poche, puis elle s'en retourne dans l'autre. Autrement dit, on a créé un système économique comme ça. Mais tu peux faire ça avec les gens conscients. Donc là, j'ai un de mes amis qui était un an, il a lâché le fédéral, là, parce qu'il était resté un système de l'ennemi. Fait que là, il arrange les égouts. Fait que je le paye à ranger les égouts. Il peinture la maison, je le paye à payer la peinture la maison. Mais ça tombe. Si j'ai besoin de l'argent, je dis pas de l'argent, il m'en parle. L'argent reste toujours en temps de nous. C'est un système économique fermé. Mais il faut que ça soit utilisé au niveau mental. T'investis-tu dans la société ordinaire? Non. J'investis tout dans ma société. Tout le temps dans ma société. Tout le temps. Si sa femme a besoin d'une robe, il n'y a pas d'argent, on lui donne de l'argent. Ça fait que ça nous fait plaisir parce qu'elle est partout. Tout le temps. Mais ça, c'est l'argent qui est l'émission. Ça va revenir à l'émission. Ouais. Faut être libre. On ne peut pas être prisonnier d'un manque d'argent. Parce que l'argent, si on est prisonnier d'un manque d'argent, on a des tensions. Des tensions, tu vois, si tu veux fonctionner, c'est des tensions. Tu ne peux pas fonctionner. Tu vois ça? C'est fort, la pomme d'argent. C'est vrai qu'ici, c'est ça, quand tu as plus de tensions d'argent, ça fait de continuer à travailler avec. Tu construis avec elle. Moi, je sais parce que ta psychologie change. Avec mon projet. Sa psychologie. Bon, OK. On va continuer ça. Il vient un temps dans la vie quand on se conscientise où on sait exactement ce qu'on veut. Puis comme on se conscientise, on s'isole. Comme on s'isole, on se crée une cabane. On se crée un terrain. Parce que je vous jure aujourd'hui que je ne vous donne pas 10 ans. Que chacun de vous autres, vous allez voir votre petit terre quelque part. Regardez ce que je vous dis. Je vous donne 10 ans, toute la gang, là. Dans 10 ans, ils vont vous passer l'idée dans la tête, j'aimerais ça, moi. Puis encore là, c'est un projet. Parce que, je sais pas. C'est pas un projet dans ce temps-là, ça devient une nécessité. Dans ce temps-là. Ça deviendra pour vous une nécessité. Ça devient une nécessité. Quand ça devient une nécessité, toutes tes forces vitales s'en vont avec ça. Mais les gens ne savent pas ce qu'ils veulent encore parce que les gens ne sont pas suffisamment conscients. Et quand tu sais ce que tu veux, savez-vous qu'est-ce que c'est savoir ce qu'on veut? Savoir ce qu'on veut, ça veut dire savoir ce qu'on a besoin. Savoir ce qu'on a besoin, ça veut dire savoir ce qui est nécessaire pour que nos corps s'harmonisent. Fait que quand tu es rendu conscient, tu n'as plus besoin des. Tu n'as plus besoin d'écrire un gogo à la bonne ville pour balancer des vibrations. Tout ce qu'il veut. La seule chose qui balance tes vibrations, c'est la crise de paix. Fait que la paix pour vous, c'est telle chose, la paix pour lui, c'est telle chose, la paix pour elle, c'est telle chose, la paix pour lui, c'est telle chose. Ça, la paix pour moi, c'est telle chose. Caché. C'est vous qui le savez, c'est ça. Chacun le sait, puis chacun fait créativement selon ça. Fait que dans les mots, c'est un projet acceptable. Ça devient c'est un projet pour vous aujourd'hui, un jour, ça deviendra une nécessité, puis quand ça sera une nécessité, que ça se fera. Ça devient plus acquis. Ça devient. Rien que ça. C'est une priorité, il n'y a pas d'autre chose que ça. Mais ça me prend mon argent, ça ne m'arrivera pas en étant assis sur les... Il n'y a rien qui nous arrive. C'est ça. Moi, je dis pas toujours tout à rentabilité. Oui, parce que c'est l'application mécanique de l'intelligence. Quand tu as 10 pièces, il faut que tu le rentabilises. Ouais. Si tu as 10 pièces, il faut que tu le places, tu fasses l'intérêt. Ça, c'est la même vibration que l'argent. Mettons que l'argent qui fait de l'argent. Okay? Ça, c'est le minimum que tu dois faire. Puis, ça se peut, je ne me mettrai pas 10 pièces parce que ça peut être bon sens, mais mettons que je mets 500 pièces. OK? Je peux le placer, lui faire de l'intérêt à, actuellement, mettons, à 19 ou 20%. Ça, c'est une chose. Puis, je peux aussi le rentabiliser en lui faisant faire de l'intérêt pour mon cul en achetant un beau fauteuil. Je le rentabilise parce que je m'en sers pour mon bien-être personnel. C'est ça. Puis, après ça, puis plus je suis intelligente, plus je sais faire rentabiliser. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je dirais. C'est pas. Je vais rentabiliser tout. C'est ça. L'argent doit être transmuté dans une valeur que vous avez de besoin. C'est ça. Puis moi, je dirais que quelqu'un qui est quand même qui est direct, qui est intelligent, quand il n'est pas capable d'administrer une scène, c'est just too bad pour moi, là. C'est bien spirituel, puis ça ne marche pas. Ouais, c'est juste. L'intelligence, faut que tu sois capable de l'identifier pour faire la tête. Oui. Comment quelqu'un dirait, moi, j'ai de l'intelligence, pour réaliser 5 scènes. Ça, c'est que, écoutez ça. Il dit que l'argent, ça doit rester en banque intemporellement. Jusqu'à temps que vous ayez suffisamment d'intelligence pour la concrétiser dans la matière, pour que vous ayez de la propriété, pour que vous puissiez devenir de plus en plus indépendant socialement. Parce qu'il viendra un jour où vous serez... Il n'y a rien qu'une chose qui va vous intéresser, c'est la paix. Là, c'est pas la paix parce que vous ne souffrez pas de la paix. Fait que là, vous pouvez laisser en banque. On va des intérêts. Mais un jour, vous allez voir un clapet, c'est là que l'argent que vous allez prendre, que vous allez faire des intérêts dessus, whatever, que vous allez le mettre dans de la matière. Des murs, un toit, et un petit gazon à côté. Vos petits enfants dans le temps. Puis votre petit job sous votre contrôle, parce qu'il y en a bien parmi vous autres qui, aujourd'hui, travaillent dans l'industrie, puis dans 10 ans, auront leur petit commerce. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a un jour où vous pouvez le travailler avec les autres. Mais pour une femme, par exemple, c'est pas mal difficile pour elle de s'installer et de dire ben, que je décide d'aller m'acheter une maison. Il n'y a jamais personne de tout seul. Plus vous avancez en conscience, plus vous allez rencontrer des gens avec lesquels vous pouvez faire des choses. Parce que vous serez dans la conscience. Une chose que j'aimerais que. Donc, tu n'en as jamais parlé, là. Moi, je vois beaucoup de mouvements en ce moment de gens là, qui ont en tête de former éventuellement des comités. OK? Au niveau de partager un environnement ou un lot de terre, les fermes à l'extérieur de Montréal sont justement dispendieux. Dans quelle optique? Des communes, c'est des illusions spirituelles. Parce qu'il va venir un temps, vous allez être tellement autonome, tellement conscient, tellement sensible à vos vibrations que vous ne pourrez pas sentir un chat. Vous allez pouvoir visiter les chats, mais pas vivre. Les communes, c'est des illusions spirituelles. Regardez toutes les communes, ils ont toutes pété. Il n'y a pas de commune qui est taffée. Ni Ustus, ni Pinot Pas, ça ne peut pas taffer une commune parce qu'il est égaux. Tout le monde veut bien. Plus tu te conscientises, plus tu deviens autonome. Puis tu veux la paix. Fait que les seuls gens avec lesquels tu peux avoir la paix, c'est ton mari, ton chum, tes enfants. Visiter les autres chats. Et quand les autres chats viennent rester chez vous, ils ne marchent plus. Non. C'est une vision spéciale. Il faut se suffire à soi-même, matériellement. Mais tu peux faire un système économique fermé aussi. Ce qui est différent d'une commune. Former un système économique fermé, il faut que tu sois bien intelligent, que tu aies bien la volonté, il faut que tu saches tout. Il faut que tu comprennes tout. Il faut que tu prépares les gens à ça. Parce que dès qu'il y a de l'ego là-dedans, je regarde juste par exemple les femmes qui sont à la maison. Là. Pourquoi faire qu'il y avait des femmes qui sont mal à l'aise dans cette situation-là, bien qu'ils aiment bien ça rester à la maison, c'est qu'ils ne sont pas capables de monnayer ou de quantifier monétairement ce qu'il y a. Tu comprends-tu? C'est difficile, c'est une serpose, ça commence, c'est fini. Il n'y a pas de pouvoir dans la maison. C'est pas le pouvoir, c'est que je ne sais pas ce que je vaux. Le problème des femmes à maison, c'est que les femmes à maison n'ont pas réalisé qu'est-ce que c'est être belle dans sa peau. Une femme à maison qui a réalisé qu'est-ce que c'est pour elle d'être belle dans sa peau, si c'est à maison ou si c'est au bureau, avoir des tensions. Parce que quand t'es conscient, ça n'a pas d'importance si t'es au bureau ou si t'es à la maison. Ce qui a d'importance, c'est que tu sois bien dans ta peau. Ça, ça donne que c'est à la maison. Tant mieux si ton mari travaille, t'as besoin d'aller, tant mieux. Mais les femmes aujourd'hui sont prises dans l'illusion de la carrière pour atteindre une liberté qui est fausse. Puis ils se font brainwasher par toutes les autres femmes. C'est que le point de vue réel, il est toujours intérieur. Mais on est sujet à des impressions extérieures, on se laisse influencer. Yeah, moi, la fin de la vie à côté à travers des bureaux, parce que t'as acheté une char, puis toi, t'es encore à la vie bas de ton mari. Mais c'est évident que tu penses de même. Parce que t'es pas conscientisé, t'es pas centré. Tu vas avoir des tensions. Mais si t'es rendu centrique, puis t'es à paix, parce que ton mari, puis toi, ça marche en harmonie. Puis tes enfants, puis toute ta femme. Tu laves tes bas, t'es bien. T'as pas ça, t'as une machine à vider. Oui, ma femme, elle fait rien. Elle fait rien. Bébé. Elle fait rien parce qu'elle veut rien faire. Puis qu'il y a tout le monde qui travaille. Elle veut rien faire. Eh bien, tout ce qu'elle veut faire, c'est voyager. T'as pas laissé ta maison. Elle fait un petit café. Elle est chie, t'as pas. Elle fait rien. Puis elle est belle, là. Elle n'a pas de tension. Puis elle fait rien. Maudit, je suis bien. Mais elle avait des tensions, elle avait eu des tensions avant. Elle a ouvert une compagnie, elle a une compagnie. Vous vous direz. D'abord, elle n'a pas besoin de travailler. Pourquoi ça travaillerait? Parce que je vous l'ai déjà dit, c'est anti-homme travailler. Travailler, c'est anti-homme parce qu'on est obligé de travailler pour survivre. Puis l'homme n'est pas guéri encore pour vivre sans travailler. Parce que pour vivre sans travailler, il faut que tu sois bien mental. Ben c'est tout. T'es tout nerveux. C'est essentiel, c'est essentiel parce que l'homme doit en arriver à construire pour se protéger matériellement. C'est ça que le travail est important. Le travail est important. Et le travail, au bout de ça, c'est entier. Les hommes nécessairement ne travailleront pas. Ils créeront, créeront, créeront, créeront. Pour travailler pour eux. Donc, arriver à se créer des besoins. Pensez-vous que je travaille? Je travaille pas. Plus restreint quand. Je travaille pas. Parce que je fais ce que je veux. C'est pas du travail quand tu fais ce que tu veux. Mais c'est quand tu te lèves le matin à 5h pour aller au bureau, faire face à un bœuf. Ça, c'est du travail. Mais on peut arriver à se contenter plus, mais c'est ça, pour arriver à être plus indépendant du point de vue matériel en travaillant comme temps partiel, pour arriver à être plus dans notre petit cocon, nous autres. Whatever you like. Moi, je peux pas me contenter de peu. Je suis capable de me contenter de peu, mais mon peu, il est pas mal grand. Je m'en allais à Rome en fin de semaine de 3 jours. Ouais. Parce que j'ai une objection consciente, je m'en laisse peut-être. Peut-être, ça grave mon cas, pour vous. Mais on peut arriver à se préparer pour. Mais ça revient tout dans la volonté d'intelligence. Pas dans les aptitudes, ça. On peut pas dire que quelqu'un est à la maison, il est bien dans sa peau, il est correct. On a pas. On peut comparer ça aux autres. Tout revient à conscience, tout revient à la maudite conscience. Quand t'es conscient, t'es conscient. Si t'es conscient, t'es bien dans ta peau à faire telle chose, tu le fais. C'est chose, tu le fais. C'est pas les formes qui doivent déterminer ton bien-être. C'est toi qui dois déterminer ton bien-être et te servir des formes autour pour faire ça. C'est ça que les femmes vont comprendre. C'est pas faire ce qu'il faut faire, c'est faire ce que je veux faire. C'est faire ce que tu veux faire. Ce que tu veux faire dépend de ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire dépend de ton intelligence, de ta volonté. Ça vient d'où, hein, déjà? Ah, l'amour. Bernard, moi, je trouve ça fréquent, rien faire. Faire rien. Ouais, mais quand je dis rien faire, je veux pas dire rien faire. Je veux dire, pas être obligé de faire quelque chose. Ouais. Rien faire, c'est pas être obligé de faire quelque chose. Moi, je fais rien. Parce que je suis pas obligé de rien faire. Tu fais qu'est-ce qui te tente. Je fais ce qui me tente. Ouais, c'est ça. C'est ça que je dis. Ouais. Tu fais tout quelque chose, tout que je veux faire. C'est le temps. Pas rien faire. Quand t'es conscient, Charlie, tu lèves assis, t'es obligé de faire quelque chose. Mais t'es pas obligé de faire quelque chose. Suis tes vibrations. Pourrais-tu me montrer à reconnaître une vibration? Une vibration? T'as déjà dit, t'as déjà parlé de l'interception de la vibration. pour intercepter une vibration, il faut la répéter. Tu vas savoir avec ça. Je peux pas me monter maintenant. Je pourrais te le monter, mais il faudrait que je crée un choc. Je vais pas faire. Mais tu vas le savoir avec le temps. D'ici 1 an et demi, tu vas le savoir. C'est grand chose. Parce que vibration, c'est un terme qui a l'air spirituel. Ah non, c'est pas spirituel. C'est un mot spirituel. C'est spirituel, vibration? Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent comme ça, tu sais, des good vibes, tu sais. Une vibration, c'est une énergie, puis t'as sens, cette énergie-là. Puis elle est puissante. Puis elle part de l'âme, puis elle traverse l'ego. Ça vient du vraiment. Hein? Ouais, ouais, ça vient. Puis quand t'es dans cette vibration-là, tu le sais. Puis quand t'as un changement vibratoire, tu le sais. Je me pense que je vous donne un choc, vous allez vous l'en faire passer. Alors. Un exemple, c'est une vibration concernant au niveau du corps. Au niveau du corps, c'est oui. C'est la plus dense. La quoi? La plus dense. Un gars se fait éclairer par son patron. Il y a petit quelque chose qui se passe. Ouais, c'est la vibration. Ouais, il n'est pas content. C'est la vibration. Mais ça ne peut pas nécessairement avoir une vibration. Dans le fond, vous savez tout que c'est ça une vibration. Vous savez tout. Ça, c'est des vibrations qu'on ressent. Tu peux expliquer ça? Comment c'est une vibration? C'est une vibration qu'on peut se sentir. Tu m'as éclairé par mon patron. Tu me mets devant la porte. Je suis content. Je suis content. Revenant en arrière, c'est la même chose. Il doit y avoir des vibrations. Tu dis quand ça descend. De... C'est quoi? Une vibration, là. Une vibration, on le sent le plus dans la souffrance. Quand l'âme crée une situation que l'ego est obligé de subir, là. Quand tu vis la vibration, c'est comme tu deviens fâché en dedans. Tu deviens fâché. Moi, en tout cas, quand je vis la vibration, je viens fâché. C'est comme la vibration, elle désorganise mon cœur. Une mauvaise vibration, ça peut être comme l'anxiété. Il y a une vibration là-dedans. C'est dur d'écrire une vibration. C'est quand tu penses quelque chose de nouveau dans ta vie, une vibration. C'est tout une vibration. On vit une vibration. C'est là, on est dedans, tu ne sais pas. C'est quand. Bon, c'est comme un violon. On est un violon, on est des violons. On a des cordes. Mais on ne les sent pas tout le temps, les cordes. C'est quand on est bien sensibilisé, là. C'est ça que la souffrance. C'est pour ça que la souffrance nous amène à sentir la vibration. C'est pour ça que je dis plus tu souffres, plus tu deviens conscient, parce que plus tu sens la vibration. La vibration, c'est l'énergie de l'âme qui descend dans les autres. C'est concret comme moi je touche. C'est tangible. Ah, c'est très tangible. C'est au bout du plexus solaire, c'est au bout du corps mental. C'est pas toujours plaisant. Une vibration, c'est plaisant. Une vibration, c'est pas plaisant. Quand, comme là, je suis bien, là, je sens pas de vibration, je suis bien. La meilleure façon que vous expliquez une vibration, là, c'est que tu sens la vibration quand tu souffres. Quand tu souffres pas, tu ne sens pas la vibration. Parce que tu t'es harmonisé, tu souffres pas. Moi, aussitôt que tu as une souffrance, tu sens la vibration. Hein, Jésus? Disons qu'on part ce soir, après la veille, on va passer une belle veille. J'ai bien aimé ça. On va peut-être pour ça répéter ce que tu nous as dit. Le fait de partir en harmonie, on est content. Est-ce que c'est une vibration? Oui. C'est un état. Une vibration, ça dérange tout le temps. Le fait qu'on en parle. Une vibration, ça dérange. Ça change ton état, ça change ton corps émotionnel, ça change ton corps mental. Sais-tu qu'est-ce que c'est une vibration? Donne un exemple, comment est-ce que d'habitude, il y a des gens comme ça, là. Mettons ton corps physique, il roule à 10 000 à l'heure, OK? Donc, c'est un corps astral qui roule à 21 000 à l'heure, c'est un corps mental qui roule à 100 000 à l'heure. Bon. Là, c'est engrené, ça, pour que ça roule à ces différentes roues. Il y a une petite roue, une moyenne roue, puis une grande roue. OK? Puis ça roule comme ça, là, dans l'autre. Là, c'est en harmonie. Tant que le 10 000 roule avec le 25 000 puis le 100 000, les roues, là, sont engrenées les unes des autres, puis ça marche. Ça roule bien, tu sais? Mais tout d'un coup, au plein motif, là, moi, je suis en train de. Ben, je ne sais pas, je suis ça quand je suis en train de parler. Je suis en train de parler de quelqu'un qui rentre ici et qui me dit: Hélène, ton fils vient d'avoir un accident. Hein? Quoi? Les gens me manquent. Là, le shake, quoi? Tu sais, comprends-tu, là, ça arrive, c'est un choc qui m'arrive direct dans la roue, là, émotive. Là. La pression qu'il y avait à 25 000 $ que j'ai dit, ouais, elle vient de monter à 125. Montant à 125, les roues sont désengrenées, là. Là, je sens la petite vibration. Mais comme je ne suis pas ajustée, c'est pas ajusté, là, les roues, là. Là, le monde physique, il ne peut plus le prendre, là. Moi, j'ai foire. Là, tu me sers un verre de cognac pour être capable d'ajuster un peu mes affaires. Là, ça, je l'avale un peu, tu sais. Puis là, je demande des détails. Alors, au plan intellectuel, il m'arrive d'autres données qui fait que, bon. Puis là, j'arrive, je suis encore shakée, là, mais jamais plus. Mon corps physique va descendre à 10 000 à l'heure. Là, ça va être 15 000 à l'heure. Puis mon corps émotif qui vient d'être choqué, qui était à 26 000 à l'heure, lui, il a monté peut-être à 125. Mais là, il va s'établir, il va rester à, mettons, à 50. Puis mon corps mental, lui aussi, qui était tout. Tu comprends ce que je veux dire? Tout ça, tout était choqué. Là, mais ça ne descend jamais. Jamais. Non. Ça monte tout le temps. Une vibration, ça monte tout le temps. Ça ajuste constamment tes corps. Ça ajuste. Mais c'est toujours une souffrance, une vibration. Mais là, c'était bien un choc émotionnel très intensif, mais ça peut arriver. Mais ce qui arrive, plus tu te conscientises, t'as plus besoin du gros choc de même. Ouais, c'est ça, des fois. C'est des petites affaires de niaiserie. Moi, là, si je m'en viens ici, puis je me cogne, là, je l'ai déjà dit, ça. Quand je m'en viens ici, puis je me cogne, là, ça change toutes mes vibrations, c'est assez de me mettre en maudit. D'ailleurs, moi, quand je viens de donner des signaux, des conférences, ils changent toutes mes vibrations un petit peu. Fait que ça monte, parce que quand j'arrive, je suis bien, bien, bien haut. Fait que d'un coup, je monte la marche, je m'en fâche. Là, c'est tout. La vibration vient changer. J'ai le faux cul, parce que je sais que c'est de haut en bas. Là, ça me met en maudit. C'est vibratoire, c'est une souffrance. Puis quand t'es bien conscient, tu souffres de rien. Fait que c'est pour ça que, pour en arriver à plus souffrir, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arranges que tu watches tout, Charles. Tu peux venir faire un meilleur. Tu appelles ça le même si tu veux, tu watches tout. Tellement que moi, j'ai dit à Gisèle, j'ai dit des bonnes nouvelles. Une des bonnes nouvelles, pas de mauvaises nouvelles. J'ai dit, t'es payé amplement pour me donner une des bonnes nouvelles. Des mauvaises nouvelles, garde-les, c'est ta job. Puis, si elle a des mauvaises nouvelles, c'est parce qu'elle peut pas, elle a besoin d'une réponse. Mais tu t'es rendu que je suis même plus capable de prendre de mauvaises nouvelles tant que je vais. L'initiation m'a mis à terre. Vous autres, là, comme elle, à travail, les gens, elles ne savent pas ce qu'elle fait. Parce que aussitôt que le téléphone, elle sait. C'est comme moi, je sais ce que je fais. Voilà-tu? Je sais ce que je fais depuis le début. Là, les gens commencent à me comprendre un petit peu plus. Fait que là, je travaille de moins en moins en moins en moins en moins. Ça, ça devient le fun pour moi. Parce que là, je ne sens plus l'ego et la patate. Là, c'est bien. Mais quand tu sais ce que. Tu sais, quand tu sais que tu veux communiquer quelque chose, puis que les gens ne réalisent pas, c'est pas de leur faute, ils ne peuvent pas le réaliser. Là, c'est une tension. C'est une tension. Bon, mais elle vit tout le temps dans son travail. C'est pas facile son travail. Ça a l'air bien fun, mais c'est pas le fun. Parce qu'il y a des gens à recevoir des téléphones qui vont dire tu vois que les gens vont me critiquer pour la distance. Qui c'est qui prend le chat des bras noirs? C'est elle. Elle me connaît. Moi, je me connais. Elle chat. Ça l'est plus, ça l'est. C'est pour ça qu'éventuellement, on va être avec nous, ça pour lui. Ça l'est. Là, on parlait de la fête du 100 piastres, je vais vous dire. Mais c'est fait que je cherche 100 piastres. Le break, tu me freeze cette affaire-là. Ça crée un choc vibratoire. Ça crée. Tout pour t'en dire, si les gens pouvaient comprendre. Si les gens comprenaient, tu ne ferais plus rien. Il serait pas bien de ça. Ah. Mais c'est ça la souffrance. Parce que ça devient une souffrance de conscience. Tu souffres pour des niaiseries, puis tu souffres de la gamosphère. Il y en a-t-il qui souffrent des niaiseries ou qui souffraient pas avant? Hein? Oui. Après 10 ans, 15 ans, je me rends compte que t'es comme de la porcelaine, tu marches de même, tu fais bien attention. C'est la colère. Quand tu sais qu'on va sortir le dinard, dans 6 mois, on j'ai le sens que c'est effrayant. Tu sais, c'est presque plus pas ton lieu de travail, tu sais que c'est pas de leur faute qu'il y a les autres. Mais c'est bien, bien flamant. C'est un peu comme ce que t'as expliqué dimanche, le tour de l'homme c'est qu'il ne touche pas la porcelaine a tellement de vibrations que le taureau ne peut même pas y toucher. Il faudrait quelqu'un de mieux. Je dis qu'il faut être très volontaire, mais en même temps très délicat. Éventuellement, tu peux être capable de concentrer ton énergie. Fait que si tu es un taureau d'une affaire de porcelaine, tu devrais être capable de marcher autour de la porcelaine et pas y toucher, pas briser. En tout cas, la vibration, pour répondre à ta question, aimée, c'est que quand tu sens la vibration, il y a une souffrance. Quand tu ne sens pas, t'es bien. Ça sent bien de toute façon. Fait que si tu ne sens pas, reste bien. Parce que quand tu sens, il y a une souffrance automatiquement. Mais seulement que la valeur de la sentir, éventuellement, c'est que ça t'amène à développer de la volonté et de l'intelligence. Parce que ta sens, tu vois, à condition que tu ne te fasses pas sentir, tu manges dedans. C'est là que tu développes la volonté de l'autre gens. C'est ça que je dis tout le temps. D'ailleurs, la souffrance initiatique, c'est la perception de cette vibration. C'est ça. C'est comme les courants électriques qui passent dans le corps. C'est un courant. Tu le sens. La souffrance, c'est de la résistance. Je veux dire que quand tu es intelligent, tu n'as plus de résistance, donc tu agis comme ça. Répéter dans ça? La souffrance, c'est de la résistance qu'on met. Non. La souffrance, c'est une énergie. L'énergie passe à faire vibrer le corps astral en relation avec une situation extérieure. Tu développes la résistance. L'énergie passe encore à faire vibrer le corps astral en relation avec l'extérieur. Tu développes la résistance. Éventuellement, tu es écœuré de la résistance, c'est là que tu m'arrêtes. La volonté vient tard dans l'évolution. La volonté et l'intelligence vient après la conscientisation des corps, le développement de la droite des corps. C'est comme, juste un petit exemple, je pense que c'est la semaine dernière, j'étais en train de parler avec des gens, tout à coup j'ai dit de façon intégrale trois mots que toi tu avais prononcés, je n'ai jamais pu le redire. Là, je me suis sentie comme tout le monde. Là, je savais que je mettais une vibration ou je la recevais, je sais pas. Automatiquement, j'arrêtais là. Je sais que ça va me servir de sorte que je m'éloigne de cette personne-là parce qu'elle peut me poser des questions. Qu'est-ce que tu veux? Je vais me la faire maintenant. Mais pour moi, ça a été comme une petite vibration. Mais dans ça-là, c'est-tu moi uniquement qui la reçois ou si c'est ça? La vibration est toujours perçue par toi-même. Moi. Tout le temps. Tu crées une vibration, même si tu crées un champ vibratoire et l'autre personne en est affectée, mais si tu as de la résistance, tu la canalises, tout n'en est pas affecté. Oui, mais t'es sûr que j'en étais conscient. Ah, tu peux en être conscient, mais il ne faut pas que tu en sois affecté. Oui, mais

Tu as le pouvoir à la parole. Tu peux pas avoir la parole de défaire tout. C'est la parole. C'est très facile si tu as la parole de détruire. Autant tu peux construire avec la parole, autant tu peux détruire. Qu'est-ce qui arrive des gens, des démagogues comme Hitler? Y a l'exemple. Ils n'ont parole. C'est pour ça que les gens ne doivent pas croire. Parce qu'un gars qui a la parole, s'il croit, la parole est tellement grande. Non, ben. Moi, j'ai un ami qui était à Nuremberg, il disait, viens, t'as vu là, t'étais anti-Hitler, tu sortais là, t'étais pour lui. C'était pas yo-yo, le gars. C'était des hommes les plus intelligents que je connaisse. Tu rentres à Nuremberg, t'es pour lui. T'es pas pour lui, puis tu rentres en sort, t'es pour lui. Fait que c'est pour ça que nous autres, on doit pas croire. On doit pas croire. Good. La parole, c'est un couteau à deux tranchants. C'est un pouvoir, d'abord. Hitler avait le pouvoir, moi j'avais le pouvoir. Mais il faut que les gens sachent, par eux-mêmes, d'où ce qui va le pouvoir, d'où ce qui mène le vol, le pouvoir. Il domine-tu l'homme, là, il libère l'homme. C'est que l'homme qui peut le savoir. Moi, je ne peux pas te dire, je suis venu à l'homme pour te libérer. Comme le gars qui me demande à la conférence si j'ai une mission. Ça ne veut pas créer des formes, ça veut détruire les formes.